Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 127. l'épisode 127, en ce mercredi matin, 1er novembre, au lendemain de l'Halloween. Et puis, tout va bien. Aujourd'hui, je vais faire un épisode sur les questions que vous m'avez posées. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Questions du public, donc je fais une publication Facebook. Et puis, dans laquelle vous me posez des questions diverses, hein, n'importe quoi, pas obligé que ça soit relié jeux vidéo. Ça ne l'est pas si souvent d'ailleurs. Et puis, c'est bien correct, c'est parfait, j'aime ça, moi, pas juste parler de jeux vidéo. Et puis, voilà, fait que je vais y répondre, fait qu'on, il y en a beaucoup, fait qu'on va partir ça maintenant. Et puis, j'avais déjà des petites affaires que je voulais parler, mais vous m'avez déjà posé des questions par rapport à ça, fait qu'on y va. Et puis, on part ça fort avec Jason Gawet, qui me demande, « Penses-tu que tu devrais nous parler de ton tunnel carpien? » Alors, chers amis, oui, je vais parler tout de suite de mon tunnel carpien. Update, j'étais à Pital hier. Et puis, je ne me rappelle plus où j'en étais les 1000 fois que je vous en ai parlé. Bref, le dernier update était que la médecin que j'avais rencontrée m'a appelé pour me convoquer pour prendre rendez-vous avec l'hôpital et le chirurgien plastique, parce que c'est de la chirurgie plastique, ça, faire opérer ça. Et puis voilà, et puis j'y suis allé hier, c'était hier que ça se passait. Et puis moi j'étais tout content, tu sais, parce que c'était comme pour prendre rendez-vous et m'expliquer les procédures pour l'opération qui aura lieu genre tout de suite après Noël. Ma mère et ma sœur ont eu cette opération, et puis j'ai reparlé à ma sœur en fin de semaine. Et puis, ça me fait penser à une autre affaire aussi. En allant au coin Game Over, de ça je veux parler. Et puis pour finir avec ça, donc opération quand même rapide. Pas trop douloureuse. Pendant une semaine, tu peux vraiment pas utiliser ta main, puis après ça, c'est graduel et tout. Donc, je m'étais préparé à ça. Puis là, le médecin, il m'a dit qu'il voulait pas m'opérer. Et puis là, si on avait pu aller en dedans de moi, puis regarder ce qui se passait, vous auriez vu toute la misère et la détresse du monde. Et comme tabarnak, je veux profiter des miracles de la médecine et chirurgie moderne pour régler ce tabarnak de problème-là. Hostie, ouvre-moi les deux bras, je m'en calisse, je veux que tu règles ça. Moi, je suis allé 3 fois chez l'optométriste pour faire opérer mes yeux, pour ne plus avoir de lunettes. Moi, toutes les opérations qui existent qui peuvent améliorer mon corps et ma vie, je les veux toutes. Tu sais, comme répare toutes. Tu peux le réparer? Répare-les. Comme fais-les. Ça me dérange pas. Il y aura de la rémission, whatever, j'écouterai la TV, je m'en crisse. Mais répare toutes, tu sais. Là, il veut pas. Il m'a dit, écoute, des orthèses, parce qu'il fallait que j'aille des orthèses. Mon autre médecin a dit, va voir pour les orthèses. J'étais à la pharmacie pour les orthèses. Elle a dit, voici les orthèses qu'on a, c'est de la calice de marbre, fait que ça fera rien. Et puis, il faudrait que tu ailles voir une place plus spécialisée. Puis là, j'essaye d'y aller la fin de semaine, mais entre-temps, ils m'ont appelé pour le rendez-vous pour l'opération. Je me suis dit, fuck les orthèses, si, je vais t'offrir ça. Puis comment ça coûte, ça, les orthèses? Mes orthèses de pied, ça m'a coûté genre 600$. Et plus, tu sais, j'ai pas envie de payer ça pour me faire opérer dans 2 mois plus tard, tu sais. Mais là, le médecin a incité les orthèses. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, la médecine, c'est très différent, apparemment, selon l'orthésiste. Que pour des opérations du genre, avant, il opérait tout de suite, à cette heure, en dernier recours. Comme, fait que là, il pousse tout le monde à vivre avec leur misère alors qu'il pourrait la régler. Fait que c'est mon lot, c'est ma vie. Fait que j'ai quitté le médecin, j'étais allé à une place d'orthèse qui était non loin de là et j'ai commandé mes 2 orthèses pour les bras que je vais dormir avec. Tout ça, je vais le faire finalement. Et puis c'est différent pareil, je m'attendais à un gros pad là, comme de rollerblade, comme je disais, dans les années 80. Mais finalement, c'est juste comme une ligne, tu sais, puis ça te passe dans la main, bref. Ça, c'est ça. Parce que c'est la nuit, apparemment, qu'on dort, les poignets accrochent puis tout. Alors, si tu mets pas de pression sur tes tunnels carpiens la nuit, puis t'as les mains drettes de même, les poignets qui bougent pas, ben là, ça va aider. Fait que, pourrais pas me passer un poignet, tu sais? Mais ouais, fait que c'est comme des gants là, c'est des structures. Alors j'ai super hâte. Mais si ça règle tout, tant mieux. Mais j'en doute. Et si je suis si sceptique puis réfractaire à ça, c'est parce que pour mes pieds, c'était supposé être miraculeux. Puis après 2 mois terminé, puis ça fait 1 an et demi, puis ça existe encore, puis j'ai encore mal. Fait que c'est ça. Donc je vais vivre cela, chers amis. Mais avant de partir, il m'a proposé, voudrais-tu pas un café, mais voudrais-tu des shots des shots de ah, si j'ai oublié le nom. Je fais de la démence, guys. Je perds la tête, j'oublie tout. Le cortisone. Voudrais-tu des injections de cortisone dans les poignets? Je suis comme, oui, tu peux-tu faire ça maintenant? Oui, ok, parfait. Fait que là, il prend une seringue, puis là, il te la rentre, là, très doucement. Et là, il a pris son ongle, puis là, il pousse dans la peau pour faire comme une coche, pour voir où est-ce qu'il faut qu'il pique. Puis là, il rentre l'aiguille très doucement, Joe. C'est comme ça qu'il faut faire. Référence aux pierres à feu. Les plus vieux vont comprendre. Ben lentement, Joe. Fait que, il rentre l'aiguille lentement pour éviter toutes les affaires dans le chemin, tu sais, pour qu'il se rende où est-ce qu'il faut qu'il se rende. Puis là, ben, il t'injecte ça, une belle seringue bien pleine de jus. Et puis là, t'as le poignet gonflé que le Christ, c'est épouvantable. Et puis, il te met un petit pansement, et voilà. Et ça fait quand même mal. C'est pas plaisant. C'est dans les piqûres les plus désagréables que j'ai eues dans ma vie. Et puis, il a fait les 2 poignets. Fait que hier, j'avais les mains complètement engourdies, surtout la gauche complètement engourdie. Puis là, je sais pas ce que j'ai. J'ai les mains ne sont plus engourdies. J'ai pu jouer au hockey hier. Mais quand je ferme, ça fait mal ici, là, dans le bas des doigts. Là, je comprends pas. Là, comme si ça forçait. Là, t'sais, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors voilà, ça sera le dernier update pour avant un bout. Je sais que vous adorez ça, mais le prochain update va être lorsque j'aurai mes orthèses. Peut-être que je vous les montrerai. En fait, je devrais. Alors à suivre. Et puis, je parlais de ça aussi, je parlais du coin Game Over tantôt puis de ma soeur, parce que quand je vais sur la Rive-Sud et que j'ai le temps, j'arrête au Game Over pour voir s'il y a du stock pour moi. Vous avez vu du stock dont j'ai besoin. Vous avez vu ma publication qui montrait les fillers de Super NES que je me suis pogné là-bas. Je me suis gâté d'un double Dragon 3 complet en boîte aussi au Game Boy. Jeu brisé, ma foi. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je me fais démolir. Là. Ça marche pas. Je vais aller voir du gameplay sur YouTube. Il y a même Chris. Ils peuvent pas avoir fait un jeu qui marche pas, t'sais. Bon, il commence à neiger. Quoique, c'est publié par Acclaim, on sait jamais en dessous de ça. Mais j'adore la pochette, j'adore le look, j'adore tout de ça. Alors, puis je trouvais que le prix était bon pour à quel point c'était mint. La boîte. Donc, ouais, ils ont des très beaux jeux complets en boîte là-bas. Le Trip World, là, il me démange. Les temps sont durs. Il y a une époque où est-ce que j'aurais acheté ça les yeux fermés. À ce temps, j'ai les yeux bien ouverts sur mon accédé pour vérifier que je ne ferai pas faillite la semaine prochaine. Puis c'est le fun, j'ai jasé avec les gars. J'ai jasé avec Joey, puis Michael. Et puis c'était le fun, c'est la première fois qu'on se parlait, tu sais. C'est étrange, quand je rentre là, je dis salut. Je sais pas s'ils me reconnaissent, t'sais, en tant que propriétaire de Retro Montréal. Moi, je les connais, je vais chez eux, je magasine, mais tu sais, je suis pas comme « Hey, salut, je suis là! » Tu sais, j'ose jamais faire ça quand je vais dans n'importe quelle boutique anyway, là. Sauf des fois, je m'annonce d'avance là, des places que je connais un peu le monde ou quelque chose. Mais tu sais, au Game Over, on s'était comme jamais parlé. Puis, malaise, il y avait comme... Je sais pas, je sentais qu'il y avait peut-être un malaise, tu sais. Puis là, c'est le fun, on a jasé, tu sais. De tout, on a jasé de shop de jeux vidéo, de nos réalités, des petits conseils, des affaires, comment c'était eux autres avant, puis qu'est-ce qu'on fait et tout. Fait que non, j'ai bien apprécié. Je pense que... Excusez. Ah, ça c'est mes doigts qui ont craqué. Je pense que c'est une bonne chose que les boutiques se parlent entre elles. Et puis, moi j'adore ça, là, quand on va à Québec ou quand on est allé... à Sherbrooke et tout, tu sais, c'est bien de jaser avec le monde, on est tous, on travaille tous très fort, et puis, on est tous différents avec la clientèle qu'on a, la façon qu'on opère, les outils qu'on utilise, le roulement, tu sais. Puis, c'est ça, on a tous des choses à partager, moi, je pense. Alors, vaut mieux le faire. Ainsi, on peut tous mieux faire notre travail. Et puis, au final, c'est vous qui en bénéficiez quand vous venez magasiner dans chacune de ces belles places-là. Alors, voilà, tu sais, ça, c'est tout bon. Ah. Puis, tu sais, il y a aussi, tu sais, je parle en affaires, tu sais, comme dans les grosseurs des entreprises. Tu sais, nous, admettons, nous autres, on essaye de rendre ça big, tu sais, comme on dépend. On a beaucoup de revenus, mais on a énormément de dépenses, tu sais. Fait que tout ça roule. Puis au final, est-ce qu'on fait plus d'argent qu'une place, qu'il y a juste une personne qui s'en occupe, tu sais? il peut se payer un meilleur salaire, tu sais, au final, à la fin de l'année, tu sais, puis il n'y a pas plein d'employés et tout, là, tu sais. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas tant la taille de l'entreprise, mais c'est les chiffres à la fin de l'année, puis c'est ce qui reste dans les poches des actionnaires, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui est important, c'est la rentabilité d'une entreprise. Et puis, c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle est rentable, hein. Même, c'est ça, je veux pas qu'on ait de l'aide du monde qui essaye d'avoir de l'aide big, de l'argent, Mercedes. Crissement pas ça la réalité, là, tu sais. Mais, tu sais, plus grosse place, plus grosse dépense. Fait que ça s'équivaut à la fin, là, tu sais, c'est juste ça. Fait que le fait qu'il y ait plusieurs grosseurs de boutiques et puis qu'on utilise chacun des outils différents, qu'on ait des clientèles différentes, que ce soit la Rive-Sud, Québec ou une autre place, en ligne, pas en ligne, ben tout ça est partageable et tout ça est très intéressant, je pense. Fait que voilà, c'était cool. Je suis bien content d'avoir pu jaser avec les gars, puis peut-être que ça va se refaire la prochaine fois que je vais passer. J'ai zioté des affaires. Si je pouvais gagner à l'auto, j'irais acheter ça, tout ce beau carton-là. Bâtard! Donc, on continue avec les questions. Pascal Poulain, étant donné que tu as joué à Donkey Kong Country 1, penses-tu jouer les deux autres? En fait, après avoir fait le 1, l'année passée, je pense, en challenge avec Martine, qui, elle, devait faire Castlevania. J'ai apprécié mon expérience de faire Donkey Kong Country 1, bien sûr. C'était un grand jeu. C'est un excellent jeu, mais moi, je le possédais pas, ce jeu-là, quand j'étais petit. T'sais, je l'avais déjà loué une couple de fois, puis je trouvais ça nice et tout. Fait que j'ai eu un bon moment à le refaire. J'ai eu du fun. Puis là, ben ça a comme... quand mes amis ont vu l'espèce de challenge, tu sais, de même, eux autres se sont dit « On va faire le 2, là, on va aller chez... J'ai Phil, on va faire le 2. Ok, je vais là, tu sais. Puis là, on était 5 à boire de la bière, genre, puis à essayer de faire Donkey Kong Country 2. Puis ça, c'est pas bon, là. Donc, faut faire. Le 2, il est beaucoup plus dur que le premier, j'ai trouvé. Hein. Fait que, comme un groupe qui essaye de finir un jeu en se passant à manette, il y en a tout le temps des moins performants dans le groupe, et c'était moi. Alors, à un moment donné, j'ai juste fait. Guys, je suis vraiment désolé, là. On va pas y arriver si c'est moi qui joue. Fait que. Jouer. Et puis, c'est ça qui se passe. Si ça avait été Castlevania, j'aurais été plus performant. Mais si je voulais faire Donkey Kong Country 2 au grand complet, faudrait que je le fasse chez nous tranquille, tu sais. Mais pour être franc, ça me tente pas tant. Tu sais, je sais que c'est tout bon, ça, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. C'est tout très bon. Puis le 2 est le meilleur de la série, selon bien des gens. Mais ça me tente pas. J'ai plein de choses à jouer. Fait que j'irai pas vers ça pour l'instant. Là, j'ai rien lu des questions en passant. Hein. Des fois, je lis un peu pour me préparer, surtout quand il y a du monde qui me demande des tops ou des affaires pour avoir une idée. Mais là, je voulais y aller direct de même. Fait que j'ai rien lu. Yannick April. T'en es où avec ton full set Super NES, puis as-tu l'intention de faire un autre full set quand lui sera terminé? Et aussi, est-ce que tu as découvert quelques hidden gems de SNES que tu pourrais nous partager? Genre des jeux que tu as jamais essayé, que tu as pogné un solide 2 minutes quand tu as essayé ça. Merci man, et lâche pas, j'aime toujours t'écouter parler de jeux. Cheers. Merci, c'est très gentil. C'est gentil les beaux mots. Alors, j'en suis présentement au Super NES à 94,46% selon mon application. 682 jeux sur 722, donc il m'en manque 40. Ça, c'est... on arrive, là. Puis des 40 possibles, tu sais, c'est bien. C'est pas genre 10, c'est pas des Agané Aero Fighters, là. J'ai tout ça. Fait que ça, c'est possible. Puis si je vais en faire un autre, non. NES, Game Boy, Super NES, c'est ma vie, c'est mon enfance, ce sera suffisant. Switch, je pense pas que c'est possible de faire un full set de ça. Ça dépend, tu sais, faudrait le découper en morceaux. Ah, faudrait que ça soit juste un full set qui a pas les jeux à tirage limité. Donc, pas de limited run, pas de strictly limited, pas d'import, pas de... Faut se donner des règles, tu sais, parce que sinon, ça finit plus, là, tu sais. Puis là, dans le Switch, en plus, tu sais, ça va... Les jeux européens, puis tout ça, c'est énorme. Et puis, comme faire un full set de jeux courants, tu sais, puis les payer full price, tous, je pense qu'au final, tu perds. Tu gagnes quand, genre, t'achètes Celeste à sa sortie, puis là, il est rendu, ou The Messenger, puis là, il est rendu à 300$. Mais tu perds quand il faut que t'achètes fucking NBA 2K 22, 50$, puis que là, qu'il en vaut zéro, tu sais. Fait que, mais non, je voudrais pas faire ça. Et ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, ça même. Déjà, le set Super NES, je me suis lancé là-dessus. Et puis, c'est vraiment, tu sais, comme je me trouvais con de me forcer à me dire qu'il fallait que je le fasse. Mais là, j'y arrive. Mais là, après ça, c'est fait, tu sais. Puis là, j'y repense beaucoup à ma collection aussi, tu sais. C'est beaucoup de place, c'est beaucoup de stock, c'est beaucoup de matière, tu sais. C'est beaucoup d'objets. Mais les sets, je les vois comme une unité, tu sais. Un full set, deux full set, trois full set. Je vois pas ça comme 600 jeux, tu comprends? C'est le fun, je trouve, quand c'est complet, tu sais, ça marche, tu sais. Puis ça, je vais les garder. S'il faut que je laisse aller des affaires encore, je commencerai pas à briser mes full sets pour juste garder les jeux que j'aime, mettons, tu sais. Je pense que je vendrai le full set au complet, tu sais. Sauf 10 jeux, mettons. Mettons, faut que je vende mon éventuel full set Super NES. C'est ça, je le vends d'un bloc, je m'en débarrasse d'un bloc, je le rends petit site chez Retro Montréal en échange de crédit pour l'avenir ou d'argent. Et puis, on le vend à pièce, puis voilà. Et puis, je me garde là, Mega Man, Castlevania, ces affaires-là. Fait que je ferai ça. Mais non, j'ai pas envie d'en faire d'autres. Je continue à acheter des choses. Les jeux de Game Boy Color que j'aime. Loose, j'achète ça. Switch, toujours. Je pousse fort pour des jeux Atari en boîte. Là, je suis rendu dans des affaires qui coûtent des milliers encore. Puis des boîtes et des livrets de jeux que j'aime. Fait que je continue un peu, là. Mais je vire plus fou avec la collection. D'ailleurs, j'ai recommuniqué avec l'ébéniste qui a fait mon ancien setup à mon ancienne maison, mon setup présentement dans mon sous-sol présentement, là où est-ce que je mets mes cassettes. Il a fait aussi une armoire ici chez Retro Montréal et nos racks. Fait que là, je voudrais voir s'il est capable de faire un genre de module encastré dans un mur pour mettre plus de rangement. Et puis un crate en bois, là j'ai comme une boîte de carton découpée, mais un truc en bois solide pour mon full set Game Boy et mes jeux Game Boy Color. Puis une autre affaire décoratif là, sur laquelle je travaille. Fait que c'est ça. Puis pour compléter la question des jeux que j'ai découverts, pour être franc, je les essaye pas toutes, mais il y en a une couple. Attendez, comment je peux me... Je vais les mettre en ordre de... Il y en a trop. D-Force, c'est un shmup qui vaut rien. Puis qui me manque, développé par Asmic. C'est un genre de shmup d'hélicoptère fonctionnel, tu sais. Au niveau du gameplay, tout c'est bon, puis ça marche, pas beau, là. C'est un early, là, c'est sorti ça pas mal au début de la Super NES, me semble. Mais le premier boss te tue. Alors, il est tellement rapide, il est tellement violent qu'il te tue. Mais au niveau du gameplay, ça marche, tu sais. J'étais surpris de cette affaire-là. Je pensais que c'était un top-down hélicoptère machin complètement dégueulasse. Mais non, il n'en est pas. J'ai essayé tous les jeux de Titus. Donc, toutes les fucking... quand tu te mets à regarder les jeux de moindre importance au Super NES, tu te rends compte que Titus, le publisher français, il me semble... Ils en ont fait de la merde, puis il faut tout que tu les achètes, et puis ils coûtent quand même quelque chose, ces affaires-là. J'ai joué à un jeu qui est de la même série que... Flying Dragon au NES, et puis la suite de ça, c'était Flying Warrior, je pense. Attendez, ça me gosse, là. Flying Warriors Nest, oui. Exact, c'est bien ça. Développé par Culture Brain. Et puis, au Super NES, j'ai oublié le nom. Ultimate Fighters, c'est bien ça. Alors, c'est un genre de beat'em up, mais là aussi de one-on-one combat, très weird. Et puis, c'est comme une série, ça, que je connaissais pas. Donc, j'ai eu un peu de plaisir. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas toujours des continus, fait que j'ai crissé ça là. Ça me tentait pas de travailler davantage. Evo est une belle découverte pour moi l'année passée. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, voyons, quel autre? Legion, beat'em up, convenable aussi. J'ai aimé ça. Ça va être pas mal ça pour l'heure, désolé, faut que je réponde à d'autres questions. Mathieu Côté, raconte-moi ton déjeuner, toi pis moi, on boit bien du café le matin, mais tu déjeunes-tu? Comment dit de cornflakes? C'est vrai, il y a du monde qui déjeune pas. Dont mon plus jeune maintenant, ça me fait capoter. Mais moi le matin, je me réveille, première chose que je fais, pupille. Et puis, je me mets de l'eau d'en face. Ça me réveille, ça, un peu. Fait que là, je check mon téléphone vite fait. Juste les notifications pour voir qu'est-ce que je vais regarder pendant que je déjeune. Puis moi, je déjeune 2 toasts au beurre de peanut et un shake de fruits. Et le shake de fruits, je consomme ça depuis 2004. Donc, j'ai commencé ça en appart avec un de mes amis dans le temps. Donc, une banane et des fruits congelés. À l'époque, je faisais avec des fruits frais, mais ça coûte cher, ça. Ça en passe pas mal. Fait que les fruits congelés, c'est bien correct. Ce que j'aime faire aussi maintenant à la fruiterie, je regarde tout le temps les fruits un peu dépéris. Il y a un rack de ça, là, en spécial. Quand c'est pas cher, puis ça vaut la peine, genre un stack de raisins, j'achète ça une pièce pour un gros paquet de raisins. Puis là, je jette tous les pas bons. Puis tous les bons, je les coupe en deux et je les congèle dans un ziploc. Et comme ça, ça me fait des fruits. T'sais. Chaque fruit qui est sur le bord de passer date ou qui est plus bon, je les congèle et puis je passe ça dans mes shakes. T'sais. Mais je mets pas d'œufs, je mets rien, juste fruits et jus d'orange. Une banane, obligatoire, et ça c'est important, les bananes. Manger une banane, un beau caca, comme je disais, bien lisse, une belle crotte droite, finale en pinceau. Et puis, fait que je mange ça. Mais c'est pas suffisant parce que j'ai tout le temps faim à 11h. Puis là, je m'amène tout le temps une bâtarde, moi, comme dessert ici, collation. Puis souvent, je commence à la grignoter à 11h15, puis finalement, je la mange. Fait je voudrais me casser un œuf dans mon shake, mais à tous les jours. Mais là, je sais pas si c'est dangereux, ça, de pogner la bactérie, là, ou je sais pas quoi, puis de mourir de ça. Pas sûr, en tout cas, je sais pas, mais je trouve que ça fait beaucoup d'œufs crus dans une vie, mais en même temps, ça me donnerait des protéines. Je manque de protéines le matin, c'est ça. Mais c'est ma routine, puis je suis habitué, alors c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la première, moi je déjeune, que j'ai besoin de me lever à 5h30, 6h à cause d'un truc, ou whatever, je déjeune toujours ça. C'est la première chose que je fais en me levant, c'est ça. Je suis très, très, très routinier. Après ça, je descends au sol, je regarde ma collection, je dis « Ah, c'est bien beau tout ça. » Puis après ça, je vais faire caca. Et puis là, je pars. Quand je fais pas caca, je suis très triste. Ça arrive pas souvent. Faut que je m'habitue à ça, c'est pas grave. Mais tu sais, moi, je suis très contrôle anal, anxiété. Je me contrôle maintenant, là. Mais il fut une époque de ma vie, même quand j'étais petit, que tu sais, la routine égale, pareil, à tous les jours, c'était bien important. Fait que là, faut briser ça. Je vais avoir 45 ans, puis je travaille encore là-dessus, c'est pas évident. Comment je suis fait de même. Puis, sauf la fin de semaine, c'est whatever, tu sais. Puis aussi, j'ai appris quelque chose dernièrement par rapport au café. Je bois jamais de café à maison. En passant, la semaine, je le prends au bureau parce que je faisais ça avant, il y a très longtemps. Mon shake, mes toasts, un café, puis là, je partais, rendu au bureau, je prenais d'autres cafés. Là, c'est trop de café, tu sais. C'est trop de liquide en partant, là. Fait que je prends mon café au bureau, comme ça. Puis, mais j'aime bien pas prendre mon café tôt. On m'a dit quelque part que le café sert à endormir dans ton corps, dans ta tête, les choses qui font que tu ressens la fatigue. Donc, la caféine, comme, buzz ces affaires-là, fait que tu ne ressens plus la fatigue. T'es fatigué pareil, mais t'es comme, tu te trompes toi-même avec le café. Puis quand tu te lèves le matin, ces affaires-là sont, comment dire, ils finissent leur travail, tu sais, ils sont encore là de te montrer que t'es fatigué. Fait que tu sais, tout de suite, si t'es mortel avec le petit café, là, c'est comme trop violent. Tu sais, faut que tu laisses ton corps se réveiller quand même un peu. Fait que la fin de semaine, je me force à pas me faire un café immédiatement en me levant, chose que je faisais avant. J'attends une petite demi-heure, là, quelque chose, fait que c'est ça. Puis café que le matin maintenant, sauf la fin de semaine, l'après-midi des fois. Pas le dimanche, pour comme pas être sa caféine le soir. J'ai slacké beaucoup le café, mais ça demeure essentiel à ma vie. Jean-Michel Racine. Selon toi, qui était le meilleur, Macho Man Randy Savage ou Hulk Hogan? Et quel était ton combat de lutte favori dans le bon vieux temps? Très bonne question. Moi, là, je pense que Randy Savage était plus... était un meilleur technicien, si on peut dire ça, ou était plus versatile que le bon vieux Hulk Hogan. Mais il n'y a rien que tu peux... Tu sais, Hulk, c'est Hulk, là, même s'il ne bouge pas. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il n'était jamais à TV. C'était rare qu'on le voyait, tu sais, dans le mardi ou dans une journée de lutte normale, là. Fait que c'était tellement de présence là, tu sais, que tout le monde capotait. Fait que Hulk m'a tout le temps plus impressionné quand j'étais jeune, mais Macho, je pense que c'était plus des meilleurs combats. Mon combat de lutte favori, man, c'est très dur à dire là. Je pourrais pas, j'ai pas de combat précis, mais je pourrais te parler de certaines rivalités. J'ai beaucoup aimé les Steiner Brothers contre les Quebecers. Ça, c'était excellent. Des gros matchs Undertaker. Le match d'échelle, Razor Ramon, Shawn Michaels. Ça, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment un gros match. Un match un peu con dans un WrestleMania pourri. Doink versus Crush. Tu t'attendais pas à ça. C'est où est-ce qu'il y a un doink de caché en dessous du stage. Puis là, il arrive sur le stage. Puis là, l'arbitre est sonné, bien sûr. Puis là, il y a deux doinks. Puis là, il attaque Crush. Puis là, il saute. Puis doink, il gagne. J'adore Evil Doink. Le premier doink, je l'aime beaucoup. Alors, voilà. Voilà la lutte. JC Goyette. Salut. On parle souvent des vieilles franchises qui reviennent ou qu'on aimerait revoir de nos jours. Mais à l'inverse, quelle franchise moderne, AAA ou Indie, aurais-tu aimé voir sur les consoles rétro des années 90 pour ensuite voir grandir jusqu'à aujourd'hui? Là, lui, il donne des exemples, là. Uncharted, Last of Us, ces affaires-là. Uncharted devient un genre de Super Pitfall. Gears of War devient un contrat. c'est très drôle. Mais tu sais, pour être capable de bien répondre à ça, je pense qu'il faudrait que j'aille éprouver du plaisir à jouer à des jeux modernes. Et je ne joue à rien de ça. Rien du tout. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Il y avait eu un... Vous souvenez-vous de Dark Void au PlayStation 3 et Xbox 360 qui avait eu un jeu 2D qui était fucking excellent, tu sais. Fait que moi j'aimais ça, ces réimaginations-là, quand il y en a. Bionic Commando, Rearm. Mais je sais pas, man. Je sais pas. Je suis pas capable de répondre à ça. J'ai pas d'idée. Je joue pas. J'ai pas joué à Last of Us, puis à Spider-Man. Je joue à rien là-dessus. Guillaume Roy. Quel jeu aimerais-tu voir un remake ou un port sur Nintendo Switch? Crois-tu que l'intelligence artificielle va modifier l'industrie du jeu? Avez-vous déjà pensé ouvrir une succursale ailleurs au Canada ou un bar dans une autre ville québécoise? Puis c'est quand le web? Hey, là, ça, c'est quatre questions. Là. Ça, c'est triché. Alors, je vais répondre vite. Moi, j'ai ici dans mon ordinateur, un template Photoshop de pochette de Switch. Donc, un faux pour faire des faux jeux. C'est avec ça que je m'amuse que j'avais fait le fameux série Rebirth, Konami Rebirth Series, où est-ce que sur le dessus j'avais mis Gradius Castlevania Adventure. Gradius Rebirth, Castlevania Adventure Rebirth et Contra Rebirth. Et puis, j'ai publié cette affaire-là deux fois. Dans la dernière fois, c'était genre l'année passée, je sais pas quoi, puis ça a eu un bon suivi. Donc, ça c'est très drôle. J'adore faire des pochettes Switch de jeux qui n'existent pas. Donc, la série Rebirth sur Switch de Wii. Konami Rebirth, 1, 2, 3, les trois sur le même jeu, faites ça. Renegade Ops, j'arrête pas de marteler ça. Un excellent jeu de Jeep Co-op que j'ai joué sur PlayStation 3, publié par Sega et peut-être développé par Sega aussi, ça serait malade. Et puis, tu sais, moi j'aimerais, une belle compilation là, des trois Ninja Gaiden au NES, là, tu sais, comme la même qu'ils ont faite au Super NES, mais pas de musique de trompette comme au Super NES, tu sais. de quoi être cool. Là. Moi, j'aime tout ça. Mais tu sais, comme Castlevania Advance, tout ça, c'est très bien. Moi, je suis pour payer très. Je suis pour payer 50$ des jeux qui en valent 20$. Toujours. Mais, ouais. Crois-tu que l'intelligence artificielle va modifier l'industrie du jeu? Je vais y répondre oui. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde. Et ça, c'est un sujet qu'on pourrait parler 3 heures de temps facilement. Je pourrais juste dire que j'ai des craintes par rapport à l'intelligence artificielle comme la grande majorité des gens. Je vois beaucoup de gens qui croient, qui sont très fatalistes par rapport à ça et qui voient la fin du monde là-dedans. J'ai plus foi en l'humanité que ça de mon côté. Puis, mais je pense juste qu'on va repenser toutes nos façons de fonctionner, puis ce qu'on fait maintenant sera fait, mais il va falloir le faire différemment avec d'autres actions, qui est poser des questions à des machines. Donc voilà. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ces sujets-là. Si tu viens chez nous, on prend une bière, puis là on en prend un autre, puis là on en prend un autre, puis là on parle de tout ça toute la soirée. Moi, c'est mon genre de soirée, ça. Être avec du monde, puis parler, débattre sur des affaires. J'adore ça. Avez-vous déjà pensé ouvrir une succursale ailleurs au Canada ou un bar dans une autre ville québécoise? Pas pour l'instant, comme je disais, c'est pas évident, là, il faut y aller. Puis mettons pour Retro Montréal, comme j'ai déjà dit, je voudrais pas ouvrir nécessairement une autre place dans une autre ville plus petite que Montréal, parce que pourquoi aller dans un plus petit marché? T'sais? Je veux pas ouvrir une shop à Saint-Hyacinthe. Moi, je veux faire de l'argent. Ça prend du monde pour faire de l'argent. S'il y a moins de monde, il y a moins d'argent à faire. C'est, je ne suis pas en train de dire que Saint-Hyacinthe n'était pas une bonne place, c'est ça pareil. T'sais. Donc ici à Montréal, il y a beaucoup de monde, fait que ça fonctionne. Ça me convient. Alors, s'il fallait en ouvrir un autre, moi je viserais plus Toronto ou quelque chose, ou Ottawa, je ne sais pas quoi. Parce qu'à Québec, c'est cool, mais il y en a déjà beaucoup. T'sais. Donc voilà. Mais c'est gros là. T'sais. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est d'essayer de garder le contrôle t'sais, sur la qualité, sur le brand. Donc ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment explorer éventuellement avec Retro Montréal. On n'est pas là du tout. On vient de déménager. Mais moi j'y crois. Moi, je suis prêt à faire cette aventure-là. Alors, on va voir si ici à l'interne, on est capable de se rendre là. On a les moyens, puis on a le désir. Parce que aussi, on peut arrêter l'expansion à un moment donné. Là, t'sais. Là on est gros ici, là, l'immeuble, là, puis tout. Ça pourrait être ça. Là. Puis on travaille là-dessus, puis on met un peu plus d'argent dans nos poches éventuellement, au lieu de tout le temps réinvestir, puis travailler. Ça n'a pas de fin là, quand on veut jusqu'à ce que tu frappes un mur ou que tu réussis à créer de quoi de big, puis que ça fonctionne. Mais on pourrait aussi dire, là, ça suffit. Ça, c'est notre grosseur, ça, c'est notre vie. T'sais. Peut-être que ça va être ça aussi, je sais pas. On le feel comme ça vient. T'sais. On fait des moves. Ces moves-là, ils ouvrent des portes, ils ouvrent des affaires. Puis on voit avec ça, puis on prend des décisions, puis on décide si on veut aller à l'aventure ou non. Mais moi, je suis tout le temps partant pour l'aventure, présentement. Pour l'arcade, dans une autre ville, comme encore une fois, c'est ça, faut y aller hein, dans l'autre ville tout le temps, puis tout, c'est beaucoup de char, je ne peux pas m'absenter. Faudrait que je ne sois pas employé. Moi, je suis employé ici, je ne peux pas partir une semaine, checker comment est-ce que l'arcade d'Ottawa qu'on a ouvert fonctionne, ça roule-tu, dormir à l'hôtel. C'est toute une affaire, là, j'ai encore des enfants, puis tout, donc pas évident. Mais un autre dans la ville, ça oui, puis en tout cas, moi puis mon partenaire, on en parle quand même beaucoup, alors à suivre. Et le WEG, le Weekend Gaming, c'est dans 2-3 semaines, j'ai bien hâte. Simon Pellerin, est-ce qu'il y a des développements sur ton projet bière? Le projet bière, non, il n'y a pas de développement par rapport à ça. Je continue d'être intéressé par la bière de microbrasserie et de caresser le rêve d'ouvrir un genre de jeu vidéo microbrasserie là, tu sais. Est-ce que Arcade Montréal peut devenir ça ou est-ce que ça sera complètement autre chose puis tout ça, c'est j'aimerais y venir, tu sais, mais c'est ça. On va commencer par focusser. Là, Retro Montréal, ça va, il faut que ça roule. Là, le bar, on est en train de finaliser les transactions avec les actionnaires. Donc, on va être deux propriétaires bientôt au lieu de quatre. Donc, ça se conclut bien, je suis content. Même cette semaine, là, ça devrait probablement se régler cette semaine. Alors, à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Là, on est comme un peu plus excité. On essaye de chasser une arcade Dance Dance là, pour mettre dans le bar. Puis, on va travailler sur l'arcade comme elle est pour l'instant. Mais j'aimerais... On est ouvert. Benoît Landry, as-tu un weird food combo que tu affectionnes? Genre mayo sur ta pizza, sandwich, banane, fromage, egg roll avec sauce tartare, pickles dans ton craft dinner, etc. Je pense pas que j'ai des affaires de même weird. Par contre, mettons la fin de semaine, je fais juste à manger pour moi, là, tu sais, parce que tout le monde manger ses affaires, son sandwich. Moi, j'aime quand il y a des wraps, j'aime bien mixer les affaires. T'sais, moi, je peux faire cuire des œufs, des œufs, et puis je vais mettre de la sauce piquante. Il reste un bout de salami, moi, tranché fin, mettre des affaires, mayo, moutarde de Dijon, pickles. T'sais. Je vais tout mettre ça. Puis là, ça fait du fromage. T'sais. Ça fait des mix, puis c'est toujours correct ou des fois, c'est très bon. Alors, moi, je suis vraiment, tu sais, œuf la fin de semaine, je fais des œufs avec n'importe quoi, là, je fais cuire ça, puis ça, j'adore ça. Mais sinon, non, je mets pas de mayo dans mes hot dogs, puis je mets pas d'affaires weird, là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la moutarde de Dijon. Moutarde de Dijon mayo, c'est un beau combo, ça, que dans pas mal tous mes sandwichs. Même quand je vais au Subway, c'est ça que je mets. Je sais que c'est pas vraiment weird. Mais c'est ma base. Mais non. Puis j'aime pas le cheese whiz. J'haïs ça. Je trouve ça dégueulasse. Je pense pas qu'il y ait plus grand monde qui mange ça anyway de nos jours. Fromage jaune, là, tout ça. De ce type-là. Là, Velvita, des tranches. Là, à part dans le cheeseburger. Là, tu sais. Fait que voilà. Pas si weird que ça sur le nourri. Mathieu Blash. Penses-tu avoir des tasses rétro NTL avant Noël? Je le souhaite. J'ai pas trouvé de fournisseur encore qui peut m'en faire. Alors, mes employés aimeraient ça en avoir aussi et tout. Ça serait très nice. Non, je vais me noter sur mon post-it de choses à faire ici, d'ailleurs. OK. Avec tout ce qu'on a à faire tout le temps, j'oublie toujours. Fait que, toss. Voilà. C'est noté. La demande est grande. Jean-François Joly. Puisque Mario RPG va sortir sur Switch, je veux savoir ce que tu pensais de l'opus sur Super NES et ensuite ce que tu espères qu'ils aient changé dans le remake. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Ça n'a jamais donné. Puis c'était dans l'époque où est-ce que justement, je découvrais les RPG avec Final Fantasy, Soul Blazer, les Zelda, tout ça. Seven Saga, j'ai fait des RPG au Super NES Chrono Trigger, mais Mario RPG, il l'avait pas à mon clip vidéo, fait que j'ai jamais joué. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va être très intéressant. Et puis, attendez un peu. Il y a mon fils qui est dans Pédago. Ah, qui m'appelait. Ben oui, parce que le lendemain de l'Halloween, maintenant, les enfants ont des pédagos. Alors, mes deux enfants sont à la maison. Ben, le plus grand est au secondaire, ça change rien, mais le plus petit est à la maison, puis il faut que le plus grand s'en occupe. Fait que là, le plus grand, il a envie de dégarpir chez sa blonde. Fait que là, j'ai été sec avec lui par texto, parce qu'il dort. Puis, tu restes à la maison, t'avais dit que tu restais à la maison. Fait que là, le plus jeune vient de m'appeler, mais là, finalement, il a accroché le bouton. C'est ma vie. Mais il faut que je moniteur ça parce que ma blonde est partie à job, elle n'est pas disponible. Donc Mario, ça va être une très belle sortie. Ça. La plus grosse sortie de l'année, ça a été Zelda. Puis après Mario Wonder, ça a été fou raide aussi. Puis Mario RPG, ça va être aussi fou raide. Là. Moi j'adore ça, ces journées de grosses sorties de jeux-là. Il y a du monde, ça rentre dans le magasin, les gens sont de bonne humeur, ils se pognent d'autres affaires, ça roule, les gens sont heureux. Merci Nintendo pour les beaux cadeaux. Alors, c'est tout le temps le fun. Dominique Andlan, comparer les artworks Famicom versus NES. En effet, quand tu prends le temps de regarder les pochettes de jeux Famicom et même les early jeux Famicom, tu sais, comme les pochettes sont fucking épiques, là, tu sais. Un bel exemple, c'est Abadox. Abadox, qui est un gory shmup développé par Natsume, publié ici en Amérique du Nord par Milton Bradley. Et puis, artwork keten de marde ici, tout en couleur et tout. Puis, au Famicom, c'est comme une bébite dans l'espace, là. C'est gothique, insecte, là, tu sais, de l'espace alien. Très, très cool. Fait que, ouais, souvent, il y en a des belles aussi en Amérique du Nord, mais tu vois que ça a été souvent toned down pour comme que ça fonctionne ici, là, parce qu'on est différent. Alors, voilà. Gabriel Hunt, au niveau local, est-ce qu'il y a un problème de crottes de cul de chien, de cul de crise dans la ruelle ou le recyclage? Ben oui, mon cher ami, il y a des problèmes de crottes de cul de chien, de cul de marde partout dans Hochelaga. Des sacs de marde dans nos poubelles tout le temps, volage de poubelles. Tu sais, ici, là, grosse saga là, ici aussi, là, parce que là, il y a un immeuble à côté qui avait pogné en feu. Là, pendant un an et demi, ça s'est fait réparer. Et puis là, maintenant que c'est habité et tout, ils ont comme dompé là, genre 15 gros packs de recyclage, tu sais. Puis ils en ont mis sur le côté, leur côté, comme entre l'immeuble et son voisin, il y a un espace. Puis ils en ont mis aussi en arrière, ici. Mais penses-tu qu'ils s'occupent de ça, les résidents, là, les locataires, là? Pas call, là. Fait que qu'est-ce qui se passe? Tout le voisinage voit ces beaux packs neufs, là. Pas fermé, pas barré, pas rien. Fait qu'ils ouvrent, mettent leur crotte là-dedans, cul de marde, de crise de chien, et puis leur recyclage, des vidanges. Fait que tout ça se fait remplir de marde de toutes sortes, des immondices, des grandes quantités d'immondices, et ça reste là. Fait que voilà. Fait que là, il y en a des bacs, des gros bacs, là. Plein d'affaires, là. Qui pourrissaient, là. Fait que là, le voisin en arrière, lui, cette année, il a pris tous ces bacs-là, puis il est allé les mettre entre les deux là-bas, et puis il a bien fait. Donc ça, c'est réglé. Puis si ça recommence, moi aussi, je vais faire ça. Je vais aller leur donner leurs hosties de bacs. Même s'il faut que je fasse le tour en avant, tout ça, ce rochelaga, que j'aille les mettre en avant là-bas, m'a le faire. Parce que ça suffit. Puis, oui, on se faisait voler nos affaires et tout. Alors là, on a réussi à trouver des bonnes attaches pour fermer nos bacs. Fait que là, on a un bac poubelle, un petit, et il y a un gros bac de recyclage maintenant, avec roue. Dites-le pas, mais tout leur bac de recyclage à côté, on leur a donné notre bac pas de roue, puis on en a gardé un neuf avec roue. Alors voilà, j'ai réglé mon problème. De toute façon, j'ai rien volé à personne. Ils sont inutilisés, ces bacs-là. Alors tout aussi bien, moi, je vais en prendre un fonctionnel et l'utiliser. Fait que ça, c'est réglé, et puis ben content. Donc, puis on a une petite poubelle parce qu'on génère pas tant de vidange ici. Fait que tout ça est enchaîné sur le mur et tout ça est barré avec un système de courroies, tu sais, bien serré. Fait que là, tu peux plus rien mettre dans nos affaires, puis tu peux plus rien faire. Puis là, j'ai pogné le voisin en arrière aussi à un moment donné. Je suis venu ici le dimanche, genre, pour faire un truc. Puis là, je me parquais dans notre stationnement, je quitte. Puis là, je vois que lui, il sort de son terrain, sa clôture. Il ouvre notre bac à recyclage, puis il le remplit. J'arrête ma voiture, puis je vais le voir. Je dis, tu sais, tu remplis mon bac de recyclage. Ah, mais là, moi, je ramasse ici. Calme-toi, là. Je fais juste te dire, tu sais, moi, tu remplis mon bac là, à moitié, puis aux trois quarts. On est dimanche. Le recyclage passe vendredi. Moi, je sors ça le jeudi avant de partir à 5 heures. Là. Si mon bac est plein, là, ben, OK, je vais le mettre sur le bord du chemin. Mon bac plein de ton recyclage, puis mon recyclage à moi, je fais quoi avec, là? Je peux même garder des boîtes de carton, puis mettre mon carton dedans, mais tout ça va être en face de chez vous, anyway, buddy, là, si tu veux voir des vidanges partout, là, tu sais. Fait que lui, il y en a un bac en arrière ici, barré à clé. Oh, j'ai perdu ma clé. Essaye de la retrouver. Oh, moi, je veux du bon voisinage, tu sais, puis bon. Fait que ça s'est réglé. Mais là, lui, il parlait comme s'il nettoyait tout. C'était, hey, Chris, moi, j'en ai ramassé de la merde, là. Nos bacs, parce que notre bac de recyclage, le gros, le monde, il l'ouvre aussi. Puis là, il fouille dedans dans les sacs s'il y a des canettes. Puis il y en a tout le temps, parce que mes employés ici boivent du gourou, des affaires de même toujours. Puis quand on fait rétro nouveau, on boit de la bière. Fait qu'il y a des canettes souvent. Fait qu'il éventre les sacs, il les vide à terre dans la ruelle. Fait que là, j'arrive, c'est comme un dépotoir. Fait que là, il faut que je ramasse tout ça. Puis aussi, il y a un gars qui se piquait ici à côté là, pendant deux semaines. Là. Il y a des seringues à terre, des hosties d'affaires. Fait que je ramasse tout ça moi aussi, man. Fait que c'est un effort, là, t'sais, il faut qu'on s'aide, là. Fait que voilà. Mais là, ça devrait être terminé. Tout est barré. Il n'y a rien. Ni le voisin, ni personne ne peut toucher à nos affaires. À moins que, lorsque c'est sur le bord du chemin, là, on se le fasse voler ou remplir de marbre. Mais habituellement, on essaye d'être rapide, fait que à suivre. Mais à date, ça va bien. Alain Lagacé, que penses-tu du grand jeu indépendant I'm in love with you, with your dead grandmother sur PlayStation 4 ou 5 fait par des Québécois? Je connais pas ça. J'ai pas vu ça passer. Sorry. David Hébert, une question que je me pose souvent. Considérant la rareté et le prix élevé des jeux Limited Run et autres jeux à tirage limité, est-ce que les full sets des consoles actuelles, Switch, PS5, seront mission impossible dans l'avenir? J'en ai parlé tantôt justement. Je pense que c'est mission impossible, en effet. Il va y avoir des jeux de Switch là, à pelleter. Puis il y a des jeux qui se font faire, qui se font faire. Fucking jeu de NES, Zombie Nation, se refait faire par Strictly Limited, à tirage limité. Puis, oubliez ça, les full sets de consoles modernes, ça va être un chaos. Un chaos. Kevin Boily, avec le succès de Messenger et Sea of Stars, Sabotage Studio ont su nous montrer leur amour pour le jeu au pixel et leur expertise à moderniser des classiques. As-tu un jeu de rêve que tu aimerais les voir réaliser? Personnellement, j'adorerais voir leur version d'un Link to the Past, Link Between Worlds. Ouais. Ben, c'est une bonne question, hein. J'ai bien hâte de voir. Ben, je trouve que Link to the Past. Ok, là, Sea of Stars, c'est plus un Chrono Trigger tour par tour, mais c'est quand même RPG. C'est pas un action RPG, mais tu sais. Ils sont tellement allés d'une affaire à une autre. J'ai comme l'impression que pour leur prochain jeu, ils vont encore aller complètement ailleurs, tu sais. Quel style? Ils vont-tu faire un jeu de fighting, tu sais? Qui sait? Ça serait daring, mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Un beat'em up, maybe, tu sais, mais ouais. Ouais, j'ai pas un jeu là, que je voudrais qu'ils refassent nécessairement, parce que je trouve que le Sabotage, c'est pas tant Ninja Gaiden, c'est inspiré d'eux, mais avec tellement plus. J'ai pas joué à Sea of Stars, c'est trop long, là. J'ai peur de me lancer là-dedans, mais avoir du temps, je le ferai avec joie, puis ça a l'air fantastique, mais j'ai pas joué. Mais ça a l'air parfait, pourquoi je me dis ça? Bon, excuse-moi, on reçoit des emails, je checkais ça. Mais non, je sais pas qu'est-ce que je voudrais qu'ils fassent, tu sais. Mes styles de jeu que j'aime, Metroidvania, tu sais, mais ils l'ont fait un peu avec The Messenger et tout. Fait que là, ils ont fait. Ils font des jeux qu'ils aiment, tu sais. Puis ce monde-là, on notre âge, à moi et Kevin. Fait que, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à part des jeux d'action, de plateforme 2D, de. Des RPG, c'est dur à dire. Mais ça va leur prendre un autre gros jeu, certain. Je pense pas qu'ils vont faire de quoi de plus relax, puis après un autre gros jeu, tu sais, c'est comme que des gros jeux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils peuvent bien faire un genre de platformer à la Mario, là, tu sais, de quoi, là, pas que ça soit un hack and slash Ninja Gaiden, justement, de quoi d'un petit peu plus enfantin, entre guillemets, si je peux dire. Ça marcherait, un Mario 3, tu sais, un Mario 3 avec des belles mécaniques pis tout. Je sais pas s'ils vont oser se lancer dans le look 3D ou dans un jeu 3D, là, tu sais, un first person shooter, un Doom, tu sais, ils pourraient faire ça aussi, un Doom. Moi, je joue jamais à ça, mais ça serait intéressant, très intéressant même. Hâte de voir, mais bravo Sabotage. Pascal Reed, un skidoo, on peut-tu garder ça dans le coup? J'ai pas de skidoo. Maxime Chartier, si tu étais un personnage de l'univers de Mario, qui serais-tu? Oh, tant de questions. Je sais pas. Là, dans Wonders, il y a tellement de personnages. Il y a tellement d'affaires. Je sais pas, mais moi, je prends souvent Peach, parce qu'elle flotte dans les airs, j'aime bien ça. Mais Mario, on va dire Mario. Question de Mario, justement. Mario Jorge Ramos. Crois-tu au petit Jésus et sens-tu ta présence dans le nouveau local de Retro Montréal? Je crois pas en Jésus et puis je crois en rien de tout ça. Je me forçais un peu à être genre pas croyant, mais à l'époque un peu, tu sais, oh, je pensais. Ouais. Puis je pense que tout ça est une réaction à genre peur de la mort. J'ai pas peur de la mort, mais je pense jamais à la mort parce que sinon j'aurais peur. C'est mon système de défense. Puis tu sais, ce qui fait le plus peur au monde, c'est de se dire que quand tu meurs, il n'y a rien après, tu sais. Parce que s'il n'y a rien après, puis tu as juste une vie, puis il n'y a pas de réincarnation, puis il n'y a pas de paradis, puis il n'y a rien après. C'est tout, là. Il n'y a rien. Comment vivre chaque jour de... Faut que tu vives chaque jour de ta vie comme si c'était le dernier. Tu sais, Christ, mes rêves, mes affaires. Hein? Au lieu de, tu sais, ça c'était peurant, hein? C'est vertigineux là, de penser à ça. Là, t'sais. Fait que moi je pense que l'humain a inventé toutes les religions justement à cause de la peur de « il n'y a rien après ». Parce que c'est énorme, là, s'il n'y a rien après. Puis moi, j'aime mieux pas trop y penser non plus, parce que chaque journée que je crisse à rien, j'ai comme « fuck, man ». Si j'étais sur mon lit de mort présentement, je serais en train de me dire que... Fait que c'est ça. Très épeurant tout ça, très épeurant, mais c'est ce que je pense qui arrive. Et puis, je sens pas la présence de Dieu ici encore, mais on a gardé un crucifix comme un token, comme memento ici. Simon Moreau, si tu avais à avoir ton propre jeu à la AVGN, Angry Video Game 9, comment se jouerait un jeu featuring Papa Cassette? Ah, très bonne question. Bah, ça serait genre... c'est ça, ça serait un jeu d'action. Excusez, j'ai reçu une notification en même temps, je me suis perdu. Ça serait un jeu d'action, là, comme ça. Comme The Messenger, là, tu sais, justement, là, mais... Ouais. Gun, ben, je serais plus épée, là. Je préfère les hack and slash que des run and gun, même si j'ai beaucoup de plaisir à chacun de ces jeux-là. Fait que voilà, ça serait ça. Samuel Parenteau, comment tu fais pour avoir une aussi belle peau à ton âge? Ça c'est faux, j'ai vraiment pas une belle peau. Hein. Tant mieux si de loin ça a l'air de ça, mais moi je fais toujours du psoriasis. Depuis toute ma vie, et puis ça c'est comme un genre d'eczéma, là, tu sais. Et puis j'ai réglé une partie de ça avec des soins de peau professionnels. J'allais me faire bronzer dans un lit de bronzage. J'en ai déjà parlé aussi dans mes podcasts de ça. Ça fait longtemps. J'en avais plein le dos, tu sais. J'étais même plus capable de m'accoter, c'était l'enfer. Fait que c'est un lit de bronzage avec des rayons précis qui t'envoient précis, qui te bombardent de ce rayon-là précis. Puis ça te burn la peau, puis tu t'hydrates et tout ça, puis crème hydratante, et puis ça a toute partie. Puis c'est tellement intense, c'est des sessions de bronzage qui durent... Excusez, j'en reçois plein de notifications, j'ai arrêté de les lire. C'est des sessions de bronzage qui durent genre 30 secondes. Tu sais, quand tu vas te faire bronzer, là, normalement, tu sais, pour avoir un teint, tu sais, c'est 10 minutes, là, ou je sais pas quoi, là, c'est 30 secondes. Fait que c'est très intense. Mais ça a réglé beaucoup de choses. Mais là, quand l'hiver arrive, comme présentement, là, précisément, je suis là-dedans, ma peau, elle sèche de partout, là, tu sais, j'ai des plaques, là, ça fait mal, je vais dans la douche, l'eau chaude me brûle. Fait que je vis ça, là, présentement. Mais je suis habitué, puis c'est la vie. Alors voilà, j'ai vraiment pas une si belle peau. Fait crème hydratante. Mais je suis pas faite. Ma peau est pas faite pour le climat du Québec. Vraiment pas. L'été, il n'y a rien de tout ça, ou très peu. Fait que je suis né à mauvaise place. Alexandre Letellier. Fan de cinéma, quel film as-tu regardé dernièrement? Film pour enfants compte pas. Ça, c'est très drôle parce qu'effectivement, on regarde beaucoup de films pour enfants. Ah, j'ai pas regardé de film, je sais pas, rien de grandiose, rien d'important. J'ai réécouté Blade, le premier, parce que ça passait à TV, tout le temps aimé ce film-là. C'était très bon, et puis, sinon, c'est le John Wick 4, genre, tu sais, mais c'est ça. J'ai pas regardé un film, là, intelligent, là, tu sais, cet été, c'était Barbie, puis... moi, j'ai oublié le nom, le Morgan Hammer, le truc, tu sais, un vrai bon film intelligent. Mais je n'ai toujours pas vu ça. Parce que il y a trop de séries, et j'écoute des séries avec ma blonde. La réalité d'aujourd'hui est que, genre, on aime mieux écouter un épisode, peut-être deux, trois quand on a le temps, que s'asseoir puis écouter un film. On n'écoute jamais de film, là, on fait juste écouter toutes les séries. Puis là, on est dans un temps de l'année où est-ce que ça revient, les séries reviennent. Fait que là, j'écoute plein de séries. Des séries légères, tu sais, parce qu'on veut relaxer. Donc, j'écoute Working Moms. C'est une très bonne série, ça. Léger. Sex Education, c'est reparti. Des affaires que j'écoute avec ma blonde. Le restaurant aussi, au Québec, c'est pas pire. On aime bien les émissions de bouffe. Vendre ou rénover aussi, on a tout le temps adoré ça, nous autres. Donc, ce genre d'affaires-là, là, pour se reposer. Puis, moi, personnellement, ben, Ahsoka, Castlevania. Mais non, j'ai pas. J'ai rien. Quand moi j'écoute un film seul, c'est genre ma blonde n'est pas là, elle a un 5 à 7, les enfants sont couchés, font leurs affaires. Là je check, genre qu'est-ce qu'il faudrait que j'écoute. Mais tous mes amis font juste écouter des affaires de super-héros, apparemment, moi ça m'intéresse pas. Fait que je veux rien savoir de tout ça, fait que faut que je trouve autre chose. Gabriel Hull, ça se passe comment dans la nouvelle boutique? Est-ce que tous vos concepts, idées pour le nouveau magasin fonctionnent comme vous l'aviez espéré? J'ai vu les photos et ça a l'air complètement zinzin. Oui, ça se passe très bien. L'arcade au centre, ça fonctionne bien. Je veux juste voir combien de questions qu'il reste parce que... Oh my God, là, il en reste beaucoup. Là. Parce qu'il va falloir que j'aille travailler aussi. L'arcade au centre, donc j'ai déjà expliqué, là, c'est les machines du North Star qui sont là, c'est pas nos machines et tout, mais le propriétaire du North Star est passé hier, Adam, et puis il a regardé les tokens dans les machines, puis il était bien content. Fait que les machines vont bien, tout le monde joue, la Sound Vault-Tec, c'est très populaire, bien sûr, et puis la fin de semaine, ça roule, tout le monde aime ça. Fait que puis ça demande pas finalement, en effet, de travail à mes employés, fait que ça, c'est un concept qui marche. On a une machine à gomme qui donne des... quand tu pognes une gomme blanche, tu as un jeu gratuit de 25$ ou moins. Ça, le monde s'essaye, ça fonctionne aussi. Mais là, j'avais mis trop de gomme blanche dedans. Le monde gagnait des fois deux par jour. Parce que, Chris, ça marche pas. C'est dur à gauger, tu sais, j'ai jamais fait ça. Fait que là, j'en ai enlevé. Tout le monde gagnait tout le temps des gommes. Ça faisait plus spécial, tu sais. Puis on s'entend, ça, cette machine à gomme-là, c'est que des dépenses, là, parce que remplir ça de gomme puis de bonbons, bulk burn, tu sais, les 25 cents ne repayent pas ce que ça coûte vraiment, tu sais. Mais c'est cool, puis c'est une expérience, fait que ça marche. Toute la merch qu'on a essayé, les verres, nos verres, ils fonctionnent super bien, surtout les pintes et les verres en forme de canette, les coupes de vin un peu moins, puis les pots à boire moins encore. Fait qu'on a fait un refill de pinte puis de canette. Donc, les verres à bière marchent bien, les deux autres, moins. Fait que ceux-là, on les refera pas. La merch fonctionne bien. Donc, nos t-shirts, nos hoodies, nos casquettes et tous les vêtements qu'on a fait faire. Le modèle avec le stade olympique et la coquille de tortue, la carapace de tortue marche super bien, bien sûr. Les autres avec nos les casquettes, il y en a une comme Expo. Ça marche bien. L'autre, c'est juste notre logo. Plus tranquille celle-là, mais c'est certain, tu sais, comme c'est juste notre logo, le monde, tu sais, c'est quand tu fais des vêtements et de la merch de même, c'est quand même de la pub, tu sais, fait faut faire attention comment tu mets gros ton logo, faut que tu penses comment les gens ils vont-tu vouloir porter ça, porter ton brand fièrement, tu sais, ou c'est comme ils vont se dire, tu sais, fait que c'est ça, c'est réfléchi. Puis bon, il y a nos mascottes sur bien des choses. Nos mascottes sont pas hyper connues encore. Lunar et Glitch, l'astronaute et la marmotte. Mais ça va venir. T'sais, il part un hoodie de temps en temps. Mais il y a un hoodie vert fluo, là, ish, le Mant Flash, qui part beaucoup plus avec juste notre logo dessus que l'autre avec Glitch là, qui se fait attaquer par les canards de Dokkan, qu'on adore, là, tu sais. Mais c'est ça, je peux le comprendre aussi, encore une fois, c'est notre brand, c'est nos bonhommes. Peut-être que ça fait trop enfantin, ces bonhommes-là aussi, puis le monde ne veut pas porter ça. Fait que voilà, mais ça roule comme je pensais que ça allait rouler. Là, t'sais. Mais tout ce qui est merch aussi qu'on a ajouté, parce que maintenant on a de la place, les toutous, les tasses, les affaires, ça marche super bien, ça, on est bien content. Fait que tous les concepts fonctionnent. Là, on a d'autres affaires qu'on veut ajouter, puis on va en parler. C'est des affaires que ça fait longtemps que je veux qu'on vende, qu'on a déjà ici, qui des affaires spécialisées encore plus, des trucs qu'il n'y a pas ailleurs, mais que tout le monde a, mais que personne ne prend le temps de mettre en vente. Comme on a déjà commencé, nous autres, avec tous les livrets, les posters, les inserts, toutes ces affaires-là, on a une section sur notre site web, d'ailleurs, allez voir ça. Je me rappelle plus du nom. C'est compléter votre copie. Dans la section compléter votre copie, il y a des affiches, des cartes, donc des maps de jeux, des manuels, des inserts et autres. Et qu'est-ce qu'il y a dans autres? Les sleeves. Ah, il va falloir renommer mieux que ça. Donc les sleeves de NES, des protecteurs, les affaires en plastique, les cassettes de Super NES, les foams pour mettre dans les boîtes de ça n'a pas rapport que ça soit dans haut, ça. On va checker ça. Les fonds pour mettre dans le fond des boîtes NES, bref, ça c'est très spécialisé, puis je veux qu'on push encore plus. Le papier, ça vend bien, fait qu'on continue avec ça. Donc, il fallait que les ventes augmentent pour payer toutes ces grosses dépenses-là. Et elles ont augmenté assez pour assurer la pérennité de l'entreprise à avoir. On fait juste vivre avec pour l'instant. Puis on espère juste que le hype du début, puis le gros hype du début, se représentent dans les ventes aussi se maintiennent. Pour l'instant, ça va, mais aussi on est dans Q4, donc le quatrième quart de l'année. Celui qui contient le Black Friday, qui contient Noël. Donc, c'est la période de l'année où est-ce que les ventes sont les plus grosses. Puis après ça, ben, quand on revient de Noël, c'est la période de l'année où est-ce que les ventes sont les plus basses. Fait qu'on va voir que ça va donner Q4 cette année. Il faut vraiment que ça marche fort parce que tout ça a coûté cher. Mais à date, ça va. Donc, on est bien content. Marc Gravel, ton opinion sur les Limited Runs et le futur de la compagnie? C'est un gros dos, je sais pas. Je trouve que les Limited Runs ici en magasin sont vraiment moins populaires qu'ils l'étaient avant. Tu sais, comme avant, quand on avait un arrivage de Limited Run, ça se garochait, ça vendait, ça partait, tu sais. Puis à cette heure, nettement moins, tu sais. Mais moi, je m'en fous là, de Limited Run au sens que j'achète pas du Limited Run parce que c'est limité, tu sais. Je l'achète parce qu'ils font des affaires que je veux avoir, tu sais. Si Limited Run font une collection Castlevania, j'en veux une collection Castlevania, enfin, je vais l'acheter, tu sais. Qu'ils fassent des affaires comme Plumbers Don't Wear Ties, c'est très cool, tu sais, mais c'est pas mon truc, là, tu sais, fait que je l'achèterais pas. Ils devraient faire Snatcher, hein, du Sega CD, mais en version en anglais, tu sais, ça serait nice, ça. Peut-être que quelqu'un va le faire à un moment donné. Bref, j'achète tout de Limited Run, ce qui m'intéresse d'avoir pour ma collection ou pour jouer, bien sûr. Fait que moi, je suis bien content que ça existe. Puis comment... Est-ce qu'à cette heure, tu sais, ils font des plus gros, ils font du bulk, tu sais, comme... Et je m'en fous, tu sais. Ils peuvent bien ne plus être limités, puis juste... C'est ça, faites juste les jeux, guys. Faites genre juste les jeux qu'on veut, tu sais. Ça n'a plus besoin d'être limité, tu sais. Comme, faites-en, tu sais. Ça serait bien parfait. Mais si c'est plus limité, en tout cas... Ça fonctionne plus. Fait que là, à cette heure, ils font du limité, encore Limited Run, mais en même temps, ils ont l'autre version Best Buy ou Amazon ou whatever de tous leurs gros jeux, comme Blasphemous, Les Turtles, Streets of Rage ou whatever. Fait que, tu sais, c'est ça, à voir. Mais peu importe ce qui se passe avec la compagnie, c'est juste que c'est long, tu sais, des fois. Le collector de Turtles qui vient de sortir, le gros, là, le Radical Collector, qui est sorti là, c'est long. Et puis, nous autres, on avait commandé, là, tu sais, puis ça fait un an et quelques. Fait que là, on l'a reçu, tu sais, comme le hype est fini depuis longtemps. Puis là, il reprint une deuxième version VHS des Turtles avec le DLC dedans. Et, Chris, je viens juste d'acheter le premier, là, tu sais, comme là, t'en fais un autre, tu sais, c'est un peu de la merde, là, au niveau du timing. Fait que j'aimerais qu'il fasse attention un petit peu plus à ça. Mais en tout cas, fait que, ouais. Hey, là, il reste encore pas mal de questions, puis je pense que je vais les garder pour un prochain show, parce que il y en a beaucoup, et puis il faut que j'aille travailler. Ouais, c'est ça. Parce que je regarde un peu les questions présentement, puis c'est toutes des questions à long développement. Donc, je vais me garder ça pour un prochain show de questions du public, peut-être encore. Suite, ça pourrait faire ça. Donc, ça me fera des sujets. Puis, si jamais il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie, en même temps, je vais en parler. Je vais juste finir avec l'analogue 3D. Puis, il y a quelqu'un qui me demandait ça aussi, qu'est-ce que j'en pense. C'était une question, ça. Puis, je voulais en parler. Je suis très heureux que Analog ait annoncé la Analog 3D. Ça, ceux qui ne connaissent pas Analog, c'est une compagnie qui font des consoles rétro, mais modernes. Donc, des consoles parfaites avec des cores FPGA. Je peux pas vous expliquer ce que ça fait exactement, mais ça, c'est magique, ces cores-là. Donc, ce n'est pas de l'émulation. Tu mets tes cassettes, ça joue HDMI direct dans ta TV moderne. Et puis, c'est du 1 pour 1, pas de lag, crisp, parfait. Analog ont commencé il y a très longtemps avec Neo Geo. Ils ont consolisé la Neo Geo. Et puis, ça, c'était dans leur début. Ensuite, ils ont fait la NES, Super NES, Genesis... Duo, la Duo qui contient TurboGrafx-16, PC Engine, machin. L'Analog Pocket, bien sûr, qui est un gros hit. Et puis, maintenant, ils viennent d'annoncer l'Analog 3D. Donc, la Nintendo 64 moderne dans une machine qui va crisper, qui va traiter le graphique. Tu sais, je veux dire, c'est flou. C'est flou. Si c'est flou à l'origine, ça va être flou encore, mais ça va être un flou propre, tu sais. Ou ils vont peut-être ajouter des skylines ou whatever, ils vont comme mettre ça clean, tu sais. Puis ils vont avoir les manettes, puis la console elle-même, ça va être solide, puis tout ça. Fait que moi, j'achèterai pas ça, parce que bien sûr, j'ai pas d'intérêt pour la 64, mais je suis tellement heureux qu'Analog continue à faire ça. Ça va être quoi la prochaine machine? J'ai hâte de voir. T'sais. La turbo est pas shippée encore, donc ça va être long pour l'analogue 3D, mais ça fait, je pense, 3 ans qu'ils travaillent là-dessus solidement. Puis c'est un tour de force là, d'avoir réussi à faire ça. Parce que oui, les consoles 2D avec disques, avec des sprites 2D et tout ça, c'est une chose. Mais pour le 3D, ça semble être vraiment une autre aventure plus compliquée. Puis c'est ce que les émulateurs avaient de la misère à faire. Puis eux autres, ils ont trouvé une façon que tu mets ta cassette et ça marche. Fait que je peux pas vous en dire plus au niveau technique. Je suis zéro là, technicien. Mais je sais que cela est comme un fucking miracle et ça me rend heureux. Et tout le monde qui tripe 64, et croyez-moi, ils sont légion. Il y en a beaucoup. Ça marche à côté. Fait que tout ça, c'est bon pour la business. C'est bon pour l'engouement du rétro. Comme ça continue d'injecter un souffle de genre de désir, de nostalgie aux gens de vouloir jouer leur jeu, leur enfance, tout ça. Et puis tant qu'il y aura ça, tant qu'Analogue, de son côté, pousse à faire des consoles de même rétro, le rétro va être en vie. Tant que Nintendo continue d'ajouter des affaires rétro sur leur store, comme là, ils viennent de mettre Castlevania Legion, puis fucking Devil World, pis cette affaire-là, rien que pour que le monde il s'amuse avec ça, des mini-consoles classiques comme ils ont fait. Tout ça, c'est tout bon. Là. C'est tout bon, ça, pour le hobby, avant tout, parce que moi, avant tout, j'aime le rétro, j'aime collectionner, j'aime ces affaires-là. Puis, tu sais, comme si tout ça faisait juste s'éteindre tranquillement, ça serait bien triste, puis ça serait fini. Mais là, au contraire, ça continue, tu sais. Puis Nintendo, ils continuent d'utiliser leurs affaires pour ramener un brin de nostalgie et tout. Et puis, nouveau Sonic qui vient de sortir, qui est comme. Qui reprend un peu la mécanique et le look de celui au Genesis, tu sais. Tout ça est merveilleux, là. Tout ça, c'est bon. Puis, mon Dieu, que je suis content que ça continue d'exister et tout. Puis, l'analogue 3D, ben, Chris, j'ai des amis autour de moi qui en achètent. J'ai quasiment envie de. Ben, j'ai pas quasiment. J'ai envie d'essayer un peu les jeux que j'ai jamais joués, tu sais. Rien que pour voir, rien que pour proprement jouer à cette machine-là et explorer, tu sais. Des jeux qui pourraient m'intéresser, tu sais. Pour le plaisir. Il y en a une dans un party, on joue à ça, ça va bien, bing, bing. Donc, ouais, je suis vraiment heureux de ça. Puis, pour vrai, je pense que le prix est très bon. Analogue, il te ramasse sur le shipping, tu sais. Mais 200 US pour cette machine-là, wow, c'est vraiment, je trouve, pas cher, tu sais. OK, bon, avec les taxes, les douanes, le shipping, tout ça, ça va... bon, tu vas te rapprocher d'un 400$. Mais je te jure que si t'aimes la 64, tu sais, puis c'est ta passion puis ta vie, ça te prend ça, là, tu sais. C'est l'ultime parfaite machine, tu sais. Tu peux continuer de collectionner les fantastiques couleurs, machin, mais t'auras plus besoin de les brancher, whatever. Tu vas avoir l'analogue sur ta télé. Puis là, man, ça va être la vie. Ça va être magique. On n'a rien vu de la machine, juste un petit. Tout ça est gardé secret encore. J'ai vraiment hâte de voir le design. Ça a l'air d'être un bloc. Un étrange bloc. Puis la manette a l'air d'une Pro Controller. Ce qui est cool, fait qu'il ramène pas la manette trois pattes. Ce qui est une bonne décision, je pense, même si je sais que c'est très iconique comme manette. Puis c'est cool, mais à un moment donné. Faut que tu prennes des décisions qui font du sens, et puis si ça joue mieux avec une manette qui a l'air d'une Pro Controller, c'est parfait, là, t'sais. Fait que tout le monde sa manette, toutes les parts en avant. Ah, c'est très très cool, je suis très heureux là-dessus. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, mes beaux amis. Je dois aller travailler. Alors, ce fut un plaisir. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et il y en a plein d'autres, alors ça m'allume, c'est très apprécié. Suivez ma page Facebook Papa Cassette et c'est là que je suis le plus actif, comme un vieux bat sur Facebook, comme toujours. Et puis, venez à l'arcade, venez chez Retro Montréal. Ça va toujours me faire plaisir de vous jaser si je suis là. Alors, merci pour tout et puis à bientôt.